Voici une chanson dédiée au chocolat. Cette chanson est la première des chansons écrites pour les patatorst, comme on nous appelle ici en Belgique. Évidemment, on comprend la sensibilité de la Belge pour le chocolat, surtout depuis qu'Amélie Nothomb a dans un de ses livres immortalisés cette scène inouïe de chocolat blanc. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Mais j'aime aussi les pommes de terre. Je sais qu'il est dans de la graisse et je mange avec de la mayonnaise. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Mais j'aime aussi les pâtes de terre. Chocolat.